la production d'or mondiale a été multipliée par 10 en 20 ans d'environ 300 tonnes par an au début des années 2000 à plus de 3000 aujourd'hui. Ça n'est pas exclusivement pour orner cous et oreilles ou du fait d'une explosion de la demande en bijouterie. Non, la nouvelle ruée vers l'or se passe également au niveau de la molécule à l'échelle nanométrique parce que l'or à cette échelle a des propriétés précieuses, au propre comme au figuré, qui préfigurent d'importantes avancées tant dans le domaine optique que dans l'informatique ou dans le domaine biomédical. Tout l'or du nanomonde, c'est le problème minuscule dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, problème minuscule mais avec des conséquences majuscules. En tout cas, pour parler de cet or nanométrique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Louis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS au laboratoire réactivité de surface à Sorbonne Université. Et Olivier Plucherie, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de physique également à Sorbonne Université. Vous dirigez actuellement le groupement de recherche or nano qui était précédemment dirigé par vous, Catherine Louis. Vous pouvez suivre, vous le savez comme d'habitude, cette émission en direct, en différé, sur les ondes de France Culture, en podcast, bref, à peu près où bon vous semble. Et également, comme chaque jour, en direct sur le fil Twitter sur lequel nous allons poster, comme d'habitude, un certain nombre d'articles, de schémas de molécules. Bref, tout ça, c'est sur le compte la méthode FC. Alors, pour commencer, une question simple. Pourquoi l'or? Qu'est-ce que ça a de particulier, l'or, Catherine Louis? L'or, ce qu'il a de particulier, c'est que jusqu'à pratiquement le milieu du XXe siècle, on pensait que c'était un métal complètement inerte. C'est pour ça qu'on l'appelle métaux nobles. On sait que l'or ne se ternit pas, reste brillant. Et avec l'avènement des nanotechnologies, les chercheurs ont réussi à préparer, à synthétiser des nanoparticules d'or, donc de quelques nanomètres, et montrer que celles-ci avaient une certaine réactivité chimique, une réactivité biologique, et aussi présentaient un grand intérêt dans le domaine de l'optique. Alors on va faire le tour de ces caractéristiques à l'échelle nanométrique, mais pour rester quelques secondes encore à l'échelle macroscopique, les caractéristiques de l'or en termes physiques, en termes moléculaires, quelles sont-elles, Olivier Plucherie? Donc l'or, il est bien connu pour sa couleur. D'abord, en fait, c'est un métal qui est jaune et qu'on trouve toujours sous forme jaune dans la nature. Comme il s'oxyde pas, justement, il n'y a pas d'oxyde d'or. Donc ça reste jaune, cette couleur, en fait, brillant, qui rappelle le soleil et qui est liée à beaucoup aussi d'aspects, même métaphysiques, on va dire. C'est un métal également, en fait, qui est inerte. Alors, inerte chimiquement, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas. On le trouve pas sous forme ionique oxydée. Il y a que un seul acide qui peut le dissoudre. Donc c'est ce qu'on appelle l'eau régale, en fait, eau royale. Sinon aucun autre acide ne peut l'attaquer. Donc il est vraiment ça participe un petit peu de son caractère, on va dire, éternel. Et puis il est un bon conducteur. Donc tout ça, ça fait des propriétés, en fait, qu'on aime bien. Il est également il n'est pas toxique pour le corps, donc il est bien accepté. C'est pour ça qu'on en fait des stents, par exemple. Mm-hmm. Donc il n'est pas rejeté. Ça fait un certain nombre, effectivement, Catherine, vous avez un certain nombre de caractéristiques qui sont assez uniques dans le tableau périodique des éléments. Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que l'or se dissout aussi dans les cyanures, et c'est une façon d'exploiter l'or, et ce qui pose énormément de problèmes environnementaux. Au niveau des mines et au niveau de l'extraction. Oui, notamment en Guyane française. Avec le projet de la montagne d'or qui vient d'être relancé par le gouvernement, ça c'est un autre problème politique que nous avons abordé sur l'antenne de France Culture et dont on aura peut-être le temps de parler, qui sait. Mais on va surtout parler ici de la différence avec cette échelle nanométrique. Comment est-ce qu'on a commencé, Catherine Louis, à se rendre compte, à réaliser que l'or se comportait différemment à l'échelle atomique, moléculaire, qu'à l'échelle macroscopique? Eh bien, là, je vais parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le domaine de la catalyse hétérogène. Pour citer un exemple, on peut parler des pots catalytiques des automobiles, donc qui sont constitués de nanoparticules, notamment de platine, de rhodium, déposées sur un support oxyde. Et donc, de la même façon, les chercheurs, au cours du XXe siècle, ont cherché à préparer des nanoparticules d'or. Seulement, c'est seulement à la fin du XXe siècle, vers 1987, que un professeur japonais, le professeur Haruta, a réussi à préparer des particules d'environ 5 nanomètres, voire plus petites. Et alors que pendant tout le XXe siècle, avec l'avènement de la catalyse industrielle, etc., les différents métaux ont été testés, l'or ne montrait aucune réactivité. Mais à partir du moment où on était capable de préparer des particules si petites de 5 nanomètres, ils ont montré une réactivité, et une réactivité absolument étonnante, dans la réaction d'oxydation du monoxyde de carbone à température ambiante, chose qu'aucun autre métal n'est capable de faire. Et donc ceci est dû... Alors, il y a encore énormément d'études, bien que ça fasse déjà plus de 30 ans que la catalyse par l'or a été découverte, on ne sait pas encore très bien dans le détail comment ça fonctionne, donc il y a encore beaucoup d'études. Mais bon, ce qu'on peut dire déjà, c'est que le fait d'avoir des petites particules, ça permet d'augmenter le rapport surface-volume. La catalyse a lieu en surface, et donc si vous considérez une particule de forme sphérique ou voire cubo-octaédrique, il y a des atomes en surface qui sont plus réactif que d'autres. On va rentrer dans le détail, vous grillez un peu les étapes, Catherine, on va rentrer dans le détail un peu justement à l'échelle justement atomique et essayer de comprendre pourquoi et quelles sont les causes de cette réactivité nanométrique par rapport à la forme macroscopique. Peut-être un mot, parce que il y a un nom qui revient souvent sur la découverte des premières caractéristiques nanométriques de l'or, c'est celui de Michael Faraday, qui est le premier à avoir, alors avec des méthodes beaucoup plus simples, en tout cas, mis en lumière justement cette différence de comportement, Olivier Pluchery. Oui, effectivement, c'est lui à qui on attribue en fait le fait de relier la taille nanométrique et ses propriétés différentes. Donc Catherine parlait des propriétés de réactivité, mais il y a les propriétés optiques et de couleur. Donc c'est l'or nanométrique n'est pas jaune. Et c'est le premier en fait qui a montré que cet or rouge était lié, rouge rubis même comme on dit, est lié à une taille nanométrique de nanoparticules. Le rouge rubis était connu avant. Il y a des recettes qui viennent du fond des âges ou plutôt des alchimistes et qui sont bien documentées. Par contre, évidemment, le relier à cette taille très très spécifique, là, c'est Michael Faraday, 1857. Milieu du 19e. Voilà. Et il a produit des solutions colloïdales, comme on les appelle, donc de nanoparticules en suspension dans l'eau, qui sont encore stables de nos jours. D'ailleurs, il y a des petites fioles que vous avez apportées l'un et l'autre sur. On va demander à quelqu'un de l'équipe de venir prendre des photos pour les mettre sur Twitter. Là, qu'est-ce que vous avez dans les mains, Olivier Pluchery? Donc là, j'ai. Décrivez-le pour les auditeurs qui n'ont pas l'image. Voilà, 10 millilitres de solution colloïdale d'or, c'est-à-dire c'est une solution rouge, un liquide. Rouge intense, hein. Et c'est rouge intense, voilà, bien. Voilà. Et c'est ce fameux rouge rubis des nanoparticules. Et donc, dans cette petite fiole, là, j'ai fait le calcul, j'ai quelque chose comme 1000 milliards de nanoparticules et qui donne cette coloration. 1000 milliards, ça peut sembler beaucoup, mais en poids d'or, c'est 0,1 mg. Donc, en termes de coût de matière première, là, c'est moins du centime d'euro. C'est un pouvoir colorant qui est très, très fort. Et elles font quelle taille, là ? Et là, ce sont des nanoparticules qui font 15 nanomètres de diamètre. D'accord. Parce que ce qui est intéressant, on va y revenir dans quelques instants, mais c'est que cette couleur rouge rubis, elle va varier en fonction justement de la taille et de la configuration des atomes d'or. Oui, c'est ça. On peut la moduler, cette couleur. Alors on peut la moduler en fonction de la synthèse qu'on va réussir à faire. Si les particules sont sphériques, elles deviennent elliptiques, on fait même des nanotriangles, des nanopyramides... Et donc là, on peut obtenir tout un gamme, tout un spectre de couleurs très très très variés et qui sont utilisés ailleurs pour de la décoration. Hein. On en reparlera parce que ça n'est pas, c'est l'un des emplois. Qu'est-ce que vous amenez également, Catherine? Là, la poudre que j'ai apportée, c'est un catalyseur. Ce sont des nanoparticules d'or d'environ 5 nanomètres sur l'oxyde de titane qui est blanc. Et on voit que la poudre est violacée. Violette et légèrement brillante. Ça brille un petit peu. Non, c'est le contenant. Flacon. D'accord, très bien. La méthode scientifique, Nicolas Martin. nous parlons de l'or, mais au niveau atomique, moléculaire, nanométrique en tout cas, tout au long de cette heure, en compagnie de Catherine Louis et d'Olivier Plucherie. Alors justement, vous avez commencé à aborder ces questions-là, c'est ce qu'on va essayer de comprendre maintenant. Aujourd'hui, est-ce qu'on comprend bien les raisons pour lesquelles cet or à taille nanométrique, on va voir qu'il y a différentes échelles, hein, vous avez commencé à l'aborder, Olivier Plucherie, se comporte différemment. Catherine Louis, tout à l'heure, parlait d'une différence entre le rapport entre les molécules de surface et les molécules intérieures. En quoi est-ce que ça change finalement le comportement de ces molécules d'or ? C'est des cristaux d'or, on va dire, c'est pas vraiment des molécules. Donc c'est un arrangement d'atomes les uns à côté des autres. Et si on prend un lingot d'or, les atomes sont tous rangés bien proprement les uns à côté des autres, en cubique face centrée, pour être un petit peu technique. Donc c'est-à-dire, si on peut imaginer très bien ça comme des balles de ping-pong qu'on va mettre dans un grand aquarium, si je le secoue, les balles vont couvrir le fond de l'aquarium, puis ensuite quand je mets une deuxième couche, ça va être mettre dans les interstices, et puis en faisant des couches comme ceci, on arrive à avoir l'équivalent d'un cristal. Et donc quand on regarde, chaque atome d'or, il a 12 voisins, donc il a 12 liaisons avec les voisins, et donc ça va vraiment définir ses propriétés. Et quand si je coupe ce morceau, je vais avoir des atomes de surface qui n'ont plus le même nombre de voisins. Donc ça va changer la coordination, comme on dit, et ça va changer ses propriétés chimiques. Ils vont devenir plus réactifs sur les coins, sur les arêtes ou sur les surfaces planes. Donc il y a toute une étude qui permet de voir comment est-ce que cette surface, cette nanoparticule, va venir immobiliser... piéger des molécules pour les faire réagir et comme Catherine l'expliquait tout à l'heure, procéder à des réactions comme l'oxydation du CO ou autre. Du monoxyde de carbone. Catherine Louis, sur cette différence, justement, je crois qu'il y a aussi dans les nanoparticules, la distance entre les atomes diminue jusqu'à 15% par rapport à celle de leur massif. Oui, quand les particules deviennent très petites, inférieures à 2 nanomètres, on a un changement de la distance interatomique. Donc ça peut aussi expliquer une réactivité différente. Et de même, lorsque les particules sont très petites, inférieures à 1 nanomètre, elles perdent leurs propriétés métalliques, elles ont des propriétés plus de type semi-conducteur. Et donc ça, ces propriétés électroniques aussi particulières pourraient expliquer une certaine réactivité. Donc il y a la surface, il y a les propriétés électroniques, donc distance, propriétés métalliques. Alors on va justement. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez ça. J'ai lu que les atomes de surface étaient sous-coordonnés instables. Qu'est-ce que ça veut dire, Catherine Louis? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? En fait, je pense que ce serait bien que on puisse faire une petite photo d'un schéma. Alors on va pas faire de photo, mais on va les mettre sur le fil Twitter de l'émission. Oui. Si on considère une particule sphérique, donc plus elle est petite. La proportion d'atomes en surface sera grande par rapport aux atomes qui sont à l'intérieur. Pour une particule de 1 nanomètre, quasiment tous les atomes sont en surface, tellement elle est petite. Et sur la surface, on peut distinguer, comme Olivier l'a dit, des plans, donc des atomes qui sont sur un plan. Et dans ce cas-là, ils sont moins coordonnés qu'un atome qui est à l'intérieur. Un atome à l'intérieur va être entouré de 12 autres atomes d'or, alors qu'en surface, il est entouré par un nombre plus faible, 9 ou 10 atomes. Et si on considère une arête ou un coin, la coordination diminue encore. Et donc plus les atomes sont peu coordonnés, plus ils sont réactifs. Et par exemple, en reparlant de la réaction d'oxydation du CO. Mais par exemple, le CO ne s'absorbe pas. Monoxyde de carbone, donc. Monoxyde de carbone. Il ne s'absorbe pas sur l'or, sur de l'or massif, parce qu'il y a une prédominance de plans. Alors que sur des nanoparticules, il va pouvoir s'absorber sur les coins et les arêtes. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles l'or est actif en oxydation du CO à basse température, parce que l'absorption est relativement faible, donc le CO est très réactif. Et donc, avec une compétence de catalytique importante. Voilà, exactement. Olivier Plucherie, sur ces propriétés chimiques finalement de l'or nanométrique. Oui, alors effectivement, moi je trouve ce qui est très intéressant quand on est dans le nano-monde, là comme ceci, c'est que quand on passe de la taille macroscopique, l'oreille inerte, hop, on diminue les tailles, et il y a toute une alors nouvelle propriété, en tout cas des propriétés inattendues qui apparaissent en fonction de ces tailles. Donc ça commence peut-être autour des centaines de nanomètres, quand on descend, disons que avec l'œil, si on prend des choses qu'on peut voir à l'œil, le millimètre, voilà, on le voit bien. Quand on va descendre jusqu'à 20 microns, c'est l'épaisseur d'un cheveu, on voit qu'il existe, quoi, grosso modo. En dessous, faut descendre avec le microscope optique, et là, on arrive à 400 nanomètres. Et 400 nanomètres, c'est encore 20 fois plus grand que ce qu'on est en train de discuter maintenant. Hein. Et pour arriver à percevoir ces nano-objets, il faut des moyens d'analyse comme les microscopes électroniques, les microscopes à effet tunnel, et qui vont permettre d'identifier ces nanoparticules uniques, de voir justement, là on décrivait ces plans atomiques, ces organisations sous forme de sphères, du cube octaèdre ou de formes mathématiques parfaites. Ça, c'est parce qu'il y a eu en parallèle des gros avènements et gros progrès du point de vue des techniques d'observation. Et ça, en fait, c'est essentiel pour arriver à comprendre pourquoi est-ce que tout d'un coup, on parle de nanoparticules, nanomondes, etc. On savait qu'il existait avant. Les molécules, ce n'est pas nouveau. Faraday en avait prédit l'existence par des moyens détournés. Là, en fait, ce qui est fantastique, c'est qu'on arrive à les voir individuellement. Et c'est vrai que nous, dans nos labos de recherche, quand on fait, moi je travaille beaucoup avec un microscope à effet tunnel, quand on voit apparaître peu à peu cette nanoparticule après des heures de travail où son image se dessine peu à peu, on voit ses facettes, etc., et on comprend la réaction qu'elle peut avoir, c'est fabuleux en fait. Hein. On vient de vous mettre une image justement là de la des écarts entre des nanoparticules à 561 atomes, donc qui est encore en forme d'octaèdre, et à 13 atomes où on est sur une quasi-sphère, ce que vous décriviez tout à l'heure, Catherine Louis, avec finalement quasiment que des atomes de surface. Voilà. C'était juste pour dire que vous, si vous voulez le visualiser, vous pouvez le voir sur le compte de la méthode FC. Je vous laisse poursuivre, Olivier Blucherie. Donc voilà, après, sur les questions de réactivité, c'est vrai que c'était le point de départ de tout le focus en fait sur les nanoparticules d'or avec ces réactions chimiques dont professeur Aruta a été le pionnier en 1987. Et ensuite, ça a donné vraiment une explosion, d'études sur l'or parce que l'or reste inoxydable en fait. Il est actif catalytiquement, donc c'est lui qui va permettre à certaines réactions de se dérouler, les rendre possibles avec des mécanismes compliqués en venant piéger un CO, permettre à un oxygène de se dissocier, les faire se rencontrer, puis ensuite être relargué sous forme de CO2, donc non toxique. Voilà, ça c'est ce que permet la nanoparticule, mais elle reste inerte et donc elle ne s'oxyde pas. Et elle reste métallique. Alors, sauf quand on est à toute petite taille, c'est-à-dire, comme disait Catherine, de quelques atomes, mais les particules, dès qu'on est au-dessus de 1,4 nanomètre, c'est 55 atomes. Dès qu'on est à 4-5 nanomètres, c'est des centaines, des milliers d'atomes. Et dans ces cas-là, elles restent métalliques. Et ça donne, entre guillemets, un confort pour les expérimentateurs. Alors, confort, parce que si je prends n'importe quel autre métal, il va s'oxyder, pas beaucoup, de 2-3 nanomètres. Mais 2-3 nanomètres sur 5, c'est toute la particule. Si je pense par exemple le fer, c'est de la rouille, l'oxyde de fer, là ça va aller beaucoup plus loin que 2-3 nanomètres, c'est très profond. Donc on travaille avec des nanoparticules de fer métallique, c'est très dur. L'argent, c'est pareil. L'aluminium, ça va être pareil. Et donc c'est vrai que ces particules d'or, elles ont... elles sont faciles à manipuler, entre guillemets. Le platine avait des... caractéristiques un peu similaires ou est-ce que je me trompe? Il s'oxyde quand même un petit peu en surface, il est un peu plus réactif. Parce qu'il a été beaucoup utilisé en catalyse. Oui. Mais le platine est moins fréquent. Oui, mais alors par exemple, justement, en oxydation du CO, on peut utiliser le platine, mais on est obligé de chauffer à environ 200-250 degrés, alors que l'or, pour cette réaction d'oxydation du CO, elle se fait à l'ambiante. Voilà, c'est ce qui est une autre des caractéristiques importantes. Oui. C'est que l'or nanométrique devient réactif à température ambiante. Oui. Voilà. Enfin, dans cette réaction d'oxydation du CO, mais dans d'autres réactions catalysées par l'or, il faut chauffer. Hein. Le CO, c'est vraiment l'oxydation du CO, c'est vraiment une réaction très très particulière. Un mot, Olivier Plucherie, peut-être sur les caractéristiques optique. Pourquoi ? Alors, on comprend hein, les caractéristiques chimiques de cet or nanométrique, mais pourquoi est-ce que à cette taille nanométrique, d'un seul coup, l'or acquiert ces configurations, cette absorption de certaines longueurs d'onde qu'il n'a pas à la taille macroscopique ? Oui, ça c'est un effet très spectaculaire en fait. Hein. C'est vrai que les nanoparticules, voilà, elles ont cette belle couleur rouge. Donc là, on le comprend quand on se rappelle que l'onde, en fait, la lumière, c'est une onde optique. Donc c'est des oscillations du champ électrique, pour dire voilà, ça avec des mots un peu plus techniques, et qui ont une longueur d'onde de l'ordre de 400-500 nanomètres. Donc ça veut dire 10-20 fois plus grand que la nanoparticule. Et donc c'est un champ électrique, donc des plus qui va avoir un effet sur les électrons à l'intérieur. Et donc, les électrons, c'est des charges moins, et donc ils vont se mettre à osciller avec le champ. Et il se trouve que, cette oscillation, il y a une résonance, c'est-à-dire qu'il y a un tempo, on peut dire, pour lequel les électrons vont tous osciller ensemble. Ils oscillent très très vite, hein. L'onde optique, c'est 10 puissance 15 Hz, donc c'est 1 million de milliards de fois par seconde. Donc, il faut arriver à entraîner des électrons à cette vitesse-là, et ça marche. Alors ça marche sur tous les métaux, sauf que sur la particule, comme elle est beaucoup plus petite que la longueur d'onde, en fait, ils dansent tous ensemble, en fait, vraiment tous en bloc. Et ça se passe pour une fréquence particulière, pour une couleur particulière. Et donc cette couleur-là va être absorbée. Toute l'énergie de cette couleur est absorbée. Résultat, ce que je vois, c'est tout sauf cette couleur. Et le tout sauf cette couleur, ben, c'est le rouge. Donc ça veut dire que c'est le vert qui est absorbé, en fait. Oui, donc les nanoparticules. Voilà, les particules, elles vont résonner à 520 nanomètres dans le verre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme un peu, j'ai envie de dire primitive ou primordiale de ce constat. C'est assez amusant. Là aussi, la photo sur le fil Twitter de l'émission, c'est la coupe de Lycurgus. Dont vous pouvez nous dire peut-être un mot, Catherine. Ah oui. C'est une coupe avec une très très très très fine couche nanométrique d'or qui paraît à la lumière comme ça verte, mais qui dès qu'on l'éclaire. Oui, alors c'est une couche, une coupe de l'époque romaine du 4e siècle après Jésus-Christ et qu'on peut aller voir au British Museum. Et alors, sa particularité, c'est un objet vraiment extraordinaire parce que même maintenant, on ne sait pas comment les verriers ont réussi à fabriquer. Une couche aussi fine. Non, ce n'est pas vraiment une couche fine, c'est que, en fait, le verre. Contient des nanoparticules. Alors, les analyses chimiques ont montré qu'en fait, ce sont des particules d'alliage or-argent. Et la particularité de la coupe, elle est opaque. Alors, si on met une ampoule à l'intérieur, si on la regarde plutôt comme ça, on la voit verte. C'est donc le plasmon qui diffuse. Alors que si on met une lampe à l'intérieur, on voit par transmission. Donc, le verre est absorbé. Et on voit... Non, c'est plutôt le rouge qui est absorbé. Non, c'est le vert qui est absorbé. Le vert est absorbé et la coupe apparaît rouge. En rouge. Il va falloir que vous nous expliquiez, parce qu'on va en reparler, et ça va être important pour la suite de notre conversation, ce que c'est que ce plasmon dont vient de parler Catherine Mouille, Olivier Plucherie. Alors, le plasmon, c'est le terme technique de cette résonance dont j'ai parlé. Donc, c'est une quasi-particule, mais on va peut-être pas rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est vraiment ce couplage entre les ondes optiques et les électrons à l'intérieur de la nanoparticule. Donc, faut bien vraiment voir tous ces électrons-là qui s'agitent ensemble en rythme, au rythme que leur donne la lumière. Ce qui est très intéressant, c'est que si j'ai une nanoparticule comme celle que j'ai dans les mains, là, dans le petit flacon de 15 nanomètres, la résonance de plasmon est à 520 nanomètres, c'est-à-dire que ça va absorber en vert et donc apparaître rouge. Et si maintenant je change la forme, je prends des ellipsoïdes, donc j'aplatis un peu les nanoparticules ou j'arrive à les fabriquer comme telles, là ça va déplacer la résonance de plasmon un petit peu plus haut dans les longueurs d'onde. Et donc, on va pouvoir moduler la couleur, avoir quelque chose d'un peu verdâtre, violet. Et puis, jusque... Voilà, là vous avez une autre petite fiole. On a mis là aussi la photo sur le Donc sur là, j'ai des nanobâtonnets qui, effectivement... Les bâtonnets apparaissent violets. Voilà. Donc, ils ont un rapport d'aspect, donc longueur sur épaisseur de 2 ou 3, quelque chose comme ça. Et donc, ça change la couleur. Donc, c'est sympathique visuellement. Mais c'est vrai que... il y a pas mal d'utilisation d'applications, parce que quand on réfléchit, ça veut dire que ça absorbe l'énergie lumineuse à une certaine longueur d'onde. Et avec ça, on va pouvoir choisir la longueur d'onde à laquelle on veut que ça absorbe cette énergie. Et si on absorbe de l'énergie, en fait, ça va chauffer. Donc on a un nanoradiateur dont on peut choisir la fréquence, la couleur à laquelle, d'excitation. Voilà, c'est ça. Et ça va être très très important dans un certain nombre d'applications, que ce soit d'ailleurs en électronique ou dans le domaine biomédical. Peut-être un dernier mot sur la façon aujourd'hui dont on arrive à synthétiser. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure rapidement, Catherine Louis, cette or nanométrique. Il y a plusieurs types. On va peut-être pas rentrer dans le détail de toutes les façons de le synthétiser. En tout cas, aujourd'hui, la façon la plus simple, c'est par réduction chimique. Oui, là, par exemple, dans les petits flacons, là, le petit flacon de nanoparticules rouges, la K-Olivier. Pour les synthétiser, c'est assez simple. On part d'une solution d'acide chlorhydrique. L'or est au degré d'oxydation 3. On rajoute un agent stabilisant. Donc, ça peut être... Ça peut être un polymère, par exemple, et puis on rajoute un agent réducteur. Ça peut être du borohydrure de sodium, et donc l'or va être réduit par le borohydrure de sodium. Les agents stabilisants vont permettre de stabiliser la particule à l'état nanométrique. Et puis, suivant la façon, les concentrations, etc., on peut obtenir des tailles de particules différentes. Un tout dernier mot, peut-être à ce propos, Olivier Plucherie, vous dites vous-même que cet or nanométrique, c'est un objet modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, un objet modèle? Comme je l'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est parce que l'or reste métallique. On n'est pas, il n'y a pas la complexité d'avoir aussi à gérer la question de l'oxyde. Et puis, ensuite, c'est vrai que sur cette nanoparticule, on va pouvoir l'habiller avec différents types de molécules. Utiliser ce qu'on connaît de la chimie de l'or pour venir changer des propriétés, en fait, ce qu'on appelle la fonctionnalisation de la nanoparticule, la façon dont elle va venir s'absorber, se fixer, réagir, etc. Et donc, pour ça, voilà, c'est aussi très, très pratique. Elle se trouve en confluent entre plein de disciplines, dans le sens là, en fait, je trouve que c'est vraiment un objet modèle, parce que, aussi bien du côté de la synthèse, on peut fabriquer des nanoparticules sphériques, des nanobâtonnets, des nanoparticules par voie physique, où on fait des cubes octaèdres parfaits ou des octaèdres tronqués, etc. Et puis, après, il y a toutes ces propriétés optiques. Là aussi, ça va dépendre de la taille, de la forme, et avec des applications dans des applications en biologie et en thérapie également, dont on parlera plus tard, je pense. Et dont on va parler dans quelques instants. Solid Gold, The Golden Filter, beaucoup d'or à 16h30 sur France Culture dans la méthode scientifique, puisque nous parlons d'or tout au long de cette heure, mais d'or au niveau atomique, au niveau nanométrique exactement. Nous en parlons avec Catherine Louis, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire réactivité de surface à Sorbonne Université, et Olivier Plucherie, qui est professeur de physique également à Sorbonne Université et directeur du groupement de recherche or nano. Mais comme tous les mercredis à mi-émission, eh bien c'est l'heure de la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Soumya Thoman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse au laboratoire du CNRS à l'Institut Lavoisier de Versailles, qui est rattaché à l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vous travaillez sur l'élaboration de nanoparticules d'or à base d'oxyde moléculaire et d'antibiotiques pour des applications antibactériennes. Bienvenue donc à la recherche montre en main. C'est à vous. Merci pour cette invitation. Vous êtes la bienvenue. Alors, le sujet de thèse sur lequel je travaille à l'Institut Lavoisier de Versailles donc, porte sur la synthèse de nanoparticules d'or entourées d'oxyde moléculaire pour des applications antibactériennes. Donc, comme vous le savez certainement, lorsque l'on attrape une infection bactérienne, on se soigne avec des antibiotiques. Donc, la découverte du premier antibiotique en 1929 par Alexander Fleming a été un énorme progrès dans la lutte contre les infections bactériennes. Mais en parallèle, un autre phénomène s'est développé, c'est l'antibiorésistance. Donc l'antibiorésistance, c'est quoi ? C'est tout simplement lorsque les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Et donc cela entraîne diverses infections. Donc c'est un phénomène qui est aléatoire et naturel et qui provoque chaque année en France, enfin qui est responsable chaque année en France de 12 500 décès par an et qui a un coût estimé à environ plusieurs centaines de millions d'euros. Donc les principales bactéries responsables, elles sont connues, c'est Escherichia coli, Staphylocoque doré et Pseudomonas aeruginosa. Elles vont avoir la capacité de former un biofilm, c'est-à-dire qu'un ensemble de bactéries va venir s'attacher à une surface, donc par exemple à la surface d'un cathéter ou à la surface de l'appareil digestif chez l'homme. Et donc elles vont synthétiser des polymères pour se protéger justement des antibiotiques et des réponses immunitaires. Donc pourquoi on utilise des nanoparticules d'or contre les bactéries ? Alors, tout simplement parce que déjà elles sont inertes dans le corps humain, donc elles induisent très peu de réponses immunitaires, qu'on peut greffer à leur surface toute une panoplie de composés, comme des agents antibactériens ou des agents anticancéreux, et qu'elles améliorent aussi la pénétration des médicaments dans les cellules. Alors là, on parle de vectorisation. Donc dans le cadre de ma thèse, nous avons décidé de greffer à la surface des nanoparticules d'or des oxydes moléculaires. Donc un oxyde moléculaire, c'est quoi ? C'est tout simplement un composé à base d'oxygène et d'atomes métalliques comme le fer. Un exemple courant, c'est la rouille, oxyde de fer. Et de plus, des travaux ont mis en évidence que les polyoxométhalates, donc ce sont les oxydes qu'on utilise au laboratoire, possédaient une activité antibactérienne équivalente à des antibiotiques. Donc nous avons décidé de combiner l'ensemble des propriétés donc de vectorisation de l'or, d'être inerte et d'améliorer justement cette pénétration dans les cellules avec la propriété antibactérienne des polyoxométhalates. Donc comment on synthétise des nanoparticules d'or ? Donc comme Catherine Louis l'a dit précédemment, la synthèse des nanoparticules d'or nécessite deux composés. Un composé qui va réduire les sels d'or et un composé qui va stabiliser les nanoparticules d'or. Et tout le défi en fait dans la synthèse des nanoparticules d'or, c'est de pouvoir contrôler et la taille et la forme et d'avoir une synthèse la plus homogène possible pour les applications qu'il y aura derrière. Donc dans notre cas, on utilise un polyoxométhalate à base de vanadium. Donc ce polyoxométhalate a la particularité de jouer les deux rôles en même temps, c'est-à-dire qu'il va réduire les sels d'or et qu'il va, grâce à ses charges négatives, stabiliser les nanoparticules d'or. Donc on va avoir une stabilisation par répulsion électrostatique. C'est-à-dire que les différentes charges vont se répulser. Donc au laboratoire, nous avons obtenu des nanoparticules d'or sphériques de taille moyenne de 30 nanomètres environ. Et des premiers résultats encourageants ont été mis en évidence. Lorsque l'on met en contact nos nanoparticules d'or entourées d'oxyde moléculaire avec des biofilms bactériens, on constate une inhibition qui est supérieure à 60% du biofilm. Maintenant, on espère pouvoir greffer justement des antibiotiques sur nos assemblages afin d'exalter les propriétés antibactériennes et donc de diminuer la consommation globale d'antibiotiques ainsi que la résistance bactérienne. Merci beaucoup Soumya Thoman pour votre présentation. Une réaction à ces travaux, Catherine Louis ? Oui, bien. Donc, ce que disait Somia, ça illustre bien ce que disait Olivia, à savoir que les nanoparticules, elles peuvent, grâce à la fonctionnalisation, servir de vectorisation de médicaments, etc. Et en effet, les fonctions qui permettent l'accroche de molécules, c'est souvent des fonctions thiol et des fonctions amine. Mm-hmm. Donc, en fait, l'or. Rappelez ce que sont des fonctions thiol et amine en deux mots. Les fonctions amine, c'est NH2. Et les fonctions thiol, c'est SH. Donc ce sont des bouts de molécules qui présentent des récepteurs particuliers qui permettent justement. Et par exemple, dans les protéines, dans les anticorps, on retrouve ces fonctions-là. Et donc, c'est pour ça que pour d'autres applications, on va vouloir greffer des anticorps sur des nanoparticules. Olivier Blucherie, une réaction également à ces travaux de Somia Thoman. Moi, je trouve que c'est très impressionnant, en fait, la façon dont on arrive à faire ces architectures. Parce que là, on le décrit, on dit, vous imaginez une nanoparticule, vous plantez dessus un pomme, une polyhexométhalate, vous rajoutez un PEG, je ne sais pas si ça, vous ne l'avez peut-être pas mentionné, mais et puis on l'envoie face aux bactéries, et hop, ça marche. Et c'est vrai que, d'abord, en fait, c'est une connaissance de la chimie, savoir si, est-ce que ce pomme, comment il va se greffer, est-ce qu'il va rester stable, quand je le mets dans le sang, est-ce que ça va pas se désagréger. Donc là, il y a un travail énorme, en fait. Peut-être un mot sur cette biocompatibilité qui a été évoquée, dont on a parlé. Est-ce qu'aujourd'hui, on la comprend bien? On sait pourquoi, finalement, l'or réagit très très peu et très bien accepté en biologie moléculaire? Alors moi, je ne saurais pas vraiment répondre pourquoi est-ce que l'or est bien accepté par le corps humain. C'est même un problème d'ailleurs, parce qu'il est tellement bien accepté qu'il est éliminé très facilement. Et donc, c'est pas tellement mon domaine, mais je sais qu'on cherche à rendre furtifs les nanoparticules d'or en leur mettant des, je ne sais plus quelle molécule. Du polyéthylène glycol. Et du coup, elles peuvent comme ça circuler dans le circuit sanguin. Et dans le cas d'une tumeur, aller se fixer là où il y a la tumeur, parce que autour de la tumeur, il y a une irrigation, il y a des micro-vaisseaux qui se forment, et donc il y a... En matière de vecteurs de médicaments. Alors justement, on va passer aux applications de cet or nanométrique, notamment dans le domaine biomédical. On va y rester avec un petit retour sur notre émission il y a 15 jours sur l'adronthérapie. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, vous faites un reportage, deux émissions en un, or nanométrique, adronthérapie. On va vous remettre le lien vers l'adronthérapie si vous l'aviez raté il y a 15 jours. C'est ça, shampoing après shampoing. Je me suis rendu à l'Institut des sciences moléculaires sur le campus de l'Université Paris-Saclay. Au sein de cet institut, Erika Porcel et son équipe travaille entre chimie, physique et biologie pour associer des nanoparticules d'or, entre autres types de nanoparticules, à l'adronthérapie. On le rappelle pour celles et ceux qui auraient séché et qui n'auraient pas écouté l'émission qu'on avait consacrée à l'adronthérapie, il s'agit d'un traitement de tumeurs cancéreuses par des faisceaux d'ions lourds. Dans le cadre de cette recherche menée par Erika Porcel, la question est de savoir si le fait d'injecter des nanoparticules d'or dans les cellules tumorales pourrait accentuer les effets destructeurs de tumeurs des faisceaux sans avoir d'effets secondaires nocifs. On retrouve donc Erika Porcel dans son laboratoire où on a observé des cellules porteuses de ces nanoparticules d'or. Dans notre équipe, depuis longtemps, on s'intéressait à augmenter les effets du rayonnement pour la radiothérapie et donc pour la hadronthérapie. Donc on travaillait en particulier avec le platine. Nous-mêmes, on synthétise des nanoparticules de platine. Donc en fait, ce qu'il nous faut, c'est un petit objet qui soit composé d'atomes lourds, donc comme l'or ou comme le platine. Donc l'or, c'est très intéressant, parce que c'est un métal noble qui est très stable, c'est déjà très utilisé en médecine, par exemple pour des petites prothèses. Il y a aussi des sels d'or qui sont utilisés contre le rhumatisme. C'est quand même quelque chose qui est assez bien toléré. Et on a la chance d'avoir un collègue, Stéphane Roux, à Besançon, qui prépare des nanoparticules pour cette application. Alors là, l'expérience sur laquelle vous travaillez en ce moment, c'est que vous allez essayer de repérer des cellules par phosphorescence. Expliquez-moi un petit peu l'expérience que vous menez en ce moment, ici, avec cet or nanométrique. Alors, on fait différents types d'expériences. Là, en particulier, ce qu'on essaye de faire avec la microscopie, c'est de repérer où sont les nanoparticules dans les cellules. Donc, on va pouvoir, par cette méthode de microscopie de fluorescence, visualiser la cellule et également des objets qui sont fluorescents. Donc, pour cela, il nous faut un objet qui soit fluorescent. Donc, la nanoparticule doit avoir un fluorophore, donc qui soit accroché sur celle-ci. Comment est-ce qu'on fait pour véhiculer une nanoparticule d'or que dans une cellule? Pour avoir une nanoparticule qui puisse entrer dans la cellule, déjà, ça va dépendre de nombreux paramètres vraiment qui sont liés à la nanoparticule. Par exemple, sa taille, sa forme, son potentiel. Donc comme ça, il y a plusieurs caractéristiques qui sont très très importantes. Donc il y a vraiment toute la partie chimie qui va, et de synthèse, et ce qu'on obtient comme objet qui va être importante pour savoir si la cellule est, va être capable ou pas de l'internaliser. Ensuite, cet objet qui est donc une petite bille d'or, on va dire, va être couvert d'un polymère qui va le rendre biocompatible et qui va comme ça ne pas être toxique et aussi pouvoir être internalisé par nos cellules. Comment fonctionne l'interaction entre le faisceau d'hadrons, donc que ce soit des ions lourds, des ions carbone, des protons, comment fonctionne cette interaction entre ces ions-là et la nanoparticule d'or? Et qu'est-ce que ça a comme effet sur la tumeur? Alors c'est toutes les questions qu'on se pose justement, parce que bon, on regarde où vont ces nanoparticules, mais on essaye aussi de voir quels sont vraiment les effets d'amplification qui sont dus à la présence de cette nanoparticule et aussi par quel mécanisme on obtient de la mortalité cellulaire qui est augmentée, donc tuer la tumeur clairement. Donc la question c'est où vont ces nanoparticules? Ben justement, ça on ne peut pas vraiment savoir où est-ce qu'elles vont aller dans la cellule. C'est bien pour ça qu'on regarde et qu'on va essayer de regarder vraiment précisément dans quel compartiment cellulaire elles se retrouvent, c'est-à-dire près du noyau, près d'une mitochondrie, voilà, il y a différents organelles dans une cellule, on essaye de savoir ça. Ensuite, on se demande est-ce que ça va pouvoir amplifier le rayonnement. Donc, c'est un bon candidat parce que ce sont des atomes lourds et on sait que ça va pouvoir être activé par le rayonnement et donc pouvoir augmenter l'effet du rayonnement. Donc, on va pouvoir créer des dommages spécifiques autour de ces nanoparticules et donc ainsi amplifier l'effet du rayonnement. Après, biologiquement, il y a aussi beaucoup de questions à se poser, parce que suivant où ça se passe, les sites d'action de ces nanoparticules vont être différents. Donc on va se demander quelle organelle est vraiment la cause de la mort cellulaire. On voit ces cellules flotter un petit peu sur l'écran, ce sont des cellules humaines, animales, de quel modèle ce sont? Alors nous, on utilise des lignées cellulaires qui sont des cellules humaines et tumorales, puisque comme on s'intéresse au cancer, on va directement sur les cibles. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment des cellules qu'on voit comme un petit tapis de cellules. Donc ça ressemble pas vraiment à une tumeur, mais c'est vraiment un modèle in vitro qui nous permet quand même de faire beaucoup de choses. Après, pour aller vers la tumeur, on développe aussi des modèles en trois dimensions qui ressemblent beaucoup plus à une tumeur où il y a des interactions entre les cellules, etc. Là, vous me parlez beaucoup de choses qui restent encore à établir. Justement, où est-ce qu'on en est de la connaissance de ces effets de nanoparticules d'or dans cette recherche en hadronthérapie? Alors, c'est, dans notre thématique, c'est quelque chose qui est quand même très étudié. Il y a de nombreux groupes en France, aux États-Unis, en Australie qui travaillent là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui évolue énormément. Donc, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'effets à prendre en compte, des effets physiques, chimiques et biologiques. Donc c'est une recherche qui est vraiment à l'interface entre ces trois disciplines. D'ailleurs ici vous êtes dans un laboratoire de physique parce qu'on utilise les concepts de physique pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, il faut aussi qu'on ait quelque chose qui aille vers la médecine. Donc on essaye d'avoir des choses qui sont très reproductibles, qui sont facilement productibles aussi à grande échelle. Nous particulièrement, on travaille aussi avec des nanoparticules de platine et ces nanoparticules, en ce moment, on essaye vraiment de trouver des solutions pour pouvoir les produire de façon à ce qu'un jour, peut-être, on puisse les utiliser chez les personnes. Quels sont les intérêts principaux à utiliser cette nanométrique et pourquoi le fait qu'il soit nanométrique compte? Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir beaucoup d'effets de ces nanoparticules associés au rayonnement, bah, en fait, il faut mettre des atomes en quantité dans la cellule. Donc, si on apporte directement des objets nanométriques qui ont une quantité d'atomes d'or dans la cellule, tout de suite, on en a mis beaucoup plus. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est aussi que ces petits objets, on va mettre une couche autour qui va permettre d'aller greffer des petites choses autour de notre nanoparticule. Donc, ça veut dire qu'on va avoir notre cœur d'or qui est vraiment actif pour la radiothérapie. Et autour, on va pouvoir mettre un fluorophore pour faire, par exemple, aujourd'hui, la microscopie. On va pouvoir mettre un agent de contraste pour pouvoir faire de l'imagerie chez le patient, comme de l'IRM ou alors de la médecine nucléaire également. Donc c'est vraiment important pour ce qu'on appelle théragnostic, c'est-à-dire associer la thérapie à l'imagerie pour le diagnostic. Voilà le reportage du jour sur les applications de cette horde nanométrique en hadronthérapie, une fois de plus, hein, si vous voulez tout comprendre à l'hadronthérapie, on vous a mis le lien vers l'émission que nous y avions consacrée il y a quelques jours sur notre fil Twitter @laméthodefc. Une réaction à ces premières applications dans le domaine biomédical, Olivier Plucherie? En fait, c'est des plateformes à tout faire, hein, un petit peu, ces nanoparticules, et c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment est-ce que, voilà, on arrive à les habiller, à les vectoriser, à les déclencher en fait avec les hadrons au bon endroit. C'est sur cet effet radiateur que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive. Ouais, et c'est pas le même là. En fait, c'est pas le même effet qui est utilisé, pas le même effet physique. L'effet radiateur, ça va plutôt intervenir dans ce qu'on appelle la photothermie. Donc on va utiliser un échauffement, alors qu'ici en fait on va produire des espèces oxydantes qui sont létales pour les cellules autour. Là, l'effet radiateur nanothermie, c'est un petit peu autre chose. D'accord. Et ce qui est aussi... Alors là c'est des recherches qui sont déjà bien avancées, mais j'ai peut-être pas tout entendu, mais je pense qu'il n'y a pas encore de phase clinique d'essai, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Et c'est vrai que quand on a l'idée initiale du médicament, il faut le tester in vitro, puis sur les petits animaux, et puis après on a aux phases cliniques, et là on rentre dans une période d'essai qui est très longue, très suivie, très surveillée, jusqu'à ce qu'un jour le médicament sorte, et ça met facilement une dizaine d'années. Hein. Au moins, oui, en général. Enfin, ça, c'est, y a pas de moyenne, mais c'est toujours relativement long. Peut-être un mot, justement, sur ce que vous évoquiez l'un et l'autre avant, et que l'on entend aussi autour de la notion de vectorisation. Pourquoi est-ce que l'or nanométrique peut être utilisé particulièrement, justement, pour aller délivrer exactement des médicaments sur une cible précise, Catherine Louis, ou comme vous voulez, Olivier Plucherie? Donc, par exemple, dans le cas d'une tumeur, comme je disais tout à l'heure, autour de la tumeur, il y a des petits vaisseaux qui se développent, des micro-vaisseaux. Et donc, quand on injecte une nanoparticule qui va être fonctionnalisée avec un médicament antitumoral, la particule va circuler dans le circuit sanguin, donc va nécessairement arriver à l'endroit où se trouve la tumeur, et là va se fixer à l'endroit de la tumeur et donc permettre au médicament d'interagir directement avec la tumeur. Et c'est seulement à cet endroit-là que le médicament sera délivré. Donc in fine, ça permet d'utiliser des doses globalement moins importantes de médicaments et d'éviter de nombreux effets secondaires. Non, Somia Thomas, mais si vous approuvez, ça veut dire que vous pouvez peut-être nous dire un mot sur ce procédé de vectorisation de nanométrique. En fait, ce qui permet de vectoriser, c'est, les nanoparticules d'or ont la particularité d'avoir une surface qui est très réactive où on peut mettre énormément de composés, où on peut justement mettre un agent anticancéreux, mais aussi un agent qui va cibler un organe en particulier ou des cellules en particulier. Et donc c'est ce qui fait aussi qu'on peut avoir des assemblages plus ciblés et améliorer des traitements déjà courants. Il y a l'autre grand domaine d'application, vous l'avez évoqué Olivier Plucherie, c'est évidemment les propriétés optiques et notamment en électronique. Comment est-ce que ça se traduit? Sur quel type, par exemple, concret d'application on peut imaginer utiliser ces particules d'or nanométrique? Oui, là, on en est aussi au balbutiement, en fait. Et c'est vrai que ce qui est... Tout à l'heure, j'ai parlé de ces nanoparticules qui viennent concentrer le champ électromagnétique, la lumière. Le but avec des structures, hein, plus que des nanoparticules, des structures qu'on va appeler plasmoniques, c'est d'arriver à venir concentrer, guider la lumière dans des tailles qui sont de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, c'est-à-dire beaucoup plus petit que la longueur d'onde. Une fibre optique, on connaît bien en fait, hein, mais on connaît bien, on entend parler. Dès qu'on veut du haut débit, on parle de fibre optique. Une fibre optique, c'est entre guillemets un tuyau fait en verre et qui a un diamètre de cœur qui est dans la dizaine de micromètres ou 50 microns. Donc c'est pas grand, on le voit à peine. Mais c'est beaucoup plus grand, c'est 1000 fois plus gros que ce qu'on est en train de discuter là. Et donc là, avec les structures plasmoniques, on arrive à faire rentrer une onde optique dans des canaux qui sont beaucoup plus petits. Et l'intérêt, c'est d'arriver à faire du traitement du signal, comme ce qui se passe dans les ordinateurs, mais à la vitesse optique et non plus à la vitesse électronique. Là aussi, on a un bel balbutiement. On est en train de fabriquer les fils, entre guillemets, par rapport à tout ce qui existe dans l'ordinateur, qui n'est pas que des fils, bien sûr. Et là où la recherche est très active, ça, c'est vraiment ces années-là, c'est d'arriver à coupler ces aspects optiques et électroniques. C'est-à-dire que c'est les mêmes électrons qui sont agités par l'onde électromagnétique qui vibre à la 10 puissance 15 Hz que ceux qui sont utilisés pour transmettre un signal électrique à des vitesses beaucoup plus faibles. Et donc si maintenant on arrive à faire se parler ces deux signaux-là, on va pouvoir arriver à moduler de l'information. Pour être un peu plus concret, en fait, là, les nanoparticules, elles absorbent de la lumière, ce serait bien si elles pouvaient en émettre, donc de faire des toutes petites sources de taille nanométrique. Et donc là, il y a des gens qui travaillent en France, il y en a quelques-uns, en fait, sur arriver à comprendre comment on peut arriver à exciter cette résonance de placement pour émettre de la lumière et pas simplement en absorber. Donc ça ferait les plus petites sources qu'on peut imaginer. Et donc ça viendrait se substituer finalement aujourd'hui au micro-circuit que l'on connaît, c'est-à-dire voilà. Au silicium, et ce serait une sorte d'état transitoire difficile à dire, en fait, entre l'électronique optique et l'électronique quantique qui est encore plus loin dans la réalisation pratique. Difficile à dire comment ça va sortir ensuite, comme type d'application. C'est vrai que, comme toujours, il va y avoir peut-être une petite niche qui va être trouvée, et puis bon, on va pas remplacer du jour au lendemain les ordinateurs par des ordinateurs tous optiques, mais voilà. J'aimerais qu'on dise avec vous aussi, Catherine Louis, un mot sur l'option catalytique, puisqu'on en a parlé un peu au début. Maintenant, on comprend un peu mieux quels sont les travaux de recherche, les applications qui sont en cours justement pour utiliser ces propriétés catalytiques de l'or. Alors, bon, j'ai parlé beaucoup de la réaction d'oxydation du CO, mais l'or est aussi utilisé, alors là, plus à température ambiante, mais un peu plus haute température pour catalyser d'autres types de réactions, des réactions d'oxydation sélective. Donc, c'est quand on veut transformer une molécule organique en une autre, en évitant l'oxydation totale en dioxyde de carbone. Ça peut être, il y a des travaux qui sont faits aussi en hydrogénation sélective, donc on cherche à contrôler l'hydrogénation d'une réaction pour éviter l'hydrogénation totale. Et à ce jour, il y a quand même, les travaux sont toujours en cours, les systèmes se complexifient parce que maintenant il y a de plus en plus de travaux concernant des nanoparticules bimétalliques où l'or est associé à un deuxième métal. Pour quel type d'application ou de procédé justement ? Pour les réactions là que j'ai citées, parce que un des problèmes de l'or pour certaines réactions, c'est la stabilité dans le temps. Or, si on veut aller jusqu'à l'industrialisation, il faut un catalyseur qui soit actif, sélectif et stable dans le temps. Alors, cela dit, il y a quand même quelques applications industrielles à ce jour. Il y a une application, en fait, qui existe déjà depuis quelques dizaines d'années, qui concerne la synthèse de l'acétate d'éthyle. Alors, le catalyseur, c'est un catalyseur au palladium avec un tout petit peu d'or. Bon, donc, c'est pas un catalyseur à l'or à proprement parler, mais bon, quand même, donc l'or est utilisé dans ce cas-là. Et une autre réaction, c'est la synthèse du chlorure de vinyle pour faire du PVC ensuite, après polymérisation. Et là c'est vraiment très intéressant parce que un des producteurs mondiaux, c'est la Chine. Et la Chine utilise des catalyseurs à base de mercure. Donc Minamata, les problèmes d'empoisonnement au mercure, tout le monde connaît. Et donc pour remplacer le mercure, et ben là actuellement ils sont en train de mettre au point des catalyseurs à l'or. Avec une très très faible teneur en or, mais qui peuvent permettre la synthèse du chlorure de vinyle. Alors un mot pour conclure, puisque vous parlez justement des mines et des problèmes d'exploitation. Je le disais au tout début de cette émission, la production d'or, l'extraction d'or a été multipliée par 10 en une vingtaine d'années. Aujourd'hui, toutes les recherches et la quantité de papier qui sort a été aussi multipliée de manière assez incroyable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie demande d'or nanométrique pour la recherche. Ça veut dire que là aussi, ça a peut-être un coût d'extraction. Ou est-ce que c'est de l'or qu'on peut commencer déjà à récupérer, c'est-à-dire utiliser l'or qui existe déjà, qu'on peut trouver dans notre environnement, qui est déjà exploité en recyclage, par exemple, Olivier Pucherey? Oui, alors c'est vrai qu'en fait, quand on regarde sur la quantité d'or produite chaque année, il y a 3,8% qui sert pour l'électronique en fait l'aspect technologique, et puis c'est tout. Après, on est dans d'autres usages qui sont pas du tout scientifiques, on va dire. Donc là-dedans, l'or nanométrique va rester nanométrique. Donc une petite partie. Enfin, non, moins nanométrique. Nanométrique, c'est vraiment très petit. Si c'est 4%, c'est malgré tout relativement important. Oui, bien sûr. C'est 4%, mais c'est surtout des connexions. C'est des connecteurs. Des connecteurs en or qui se trouvent dans les téléphones portables, etc. Là, il y en a devant moi, en fait, sur le. Donc, effectivement. Sur les fiches jack des micros. C'est ce que. Oui, exactement. L'or destiné à faire de l'or nanométrique, c'est une part vraiment infime et on a pu constater que ça n'intéresse pas spécifiquement les producteurs d'or, ces aspects scientifiques. Après, c'est vrai que, en fait, je trouve que les plus beaux enjeux, là, c'est tout ce qui est thérapie. Moi, je voulais simplement dire l'expérience qu'on a eue cet été. En fait, quand on a organisé notre congrès Gold à Sorbonne Université, on a invité notamment quelqu'un qui est Naomi Alla, c'est une professeure de physique à Rice University, donc au Texas. Et elle a commencé ses recherches en 2002 sur cette vectorisation, fondé une start-up pour pouvoir produire ces nanoparticules, qui sont des nanoparticules de silice recouvertes d'or de 120 nanomètres. Et ensuite, elle a lancé les essais cliniques. Là, on n'en a plus entendu parler, parce que c'est des choses qui sont relativement confidentielles. Et elle nous a présenté en avant-première, en fait, en juillet dernier, le cas des 24 patients, alors de un patient sur les 24, en fait, qu'elle a présenté plus en détail, en fait, qui ont été guéris par le traitement qu'elle a mis en place, Orolase, basé sur tous les phénomènes qu'on vient de décrire. Et donc, c'est un beau résumé à la fois. Qui a été guéri d'un cancer de la prostate. Mmh. Et donc, par photothermie. Donc, c'est un très, très beau ensemble de comprendre la nanothermie à partir de la physique, voir comment on peut venir faire une fonctionnalisation pour la vectorisation, et puis ensuite le traitement thérapeutique et la guérison de ces gens. Donc je trouve que ça, c'est des très très belles promesses, en fait. Et puis un beau mélange de toutes ces disciplines, et c'est ça, en fait, qu'on trouve spécialement excitant, en fait, dans toute cette aventure hors nano. Voilà, c'est ce qu'on continuera à suivre ici attentivement à travers le Journal des Sciences et peut-être d'autres émissions à venir sur ces applications thérapeutiques. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Catherine Louis, merci Sonia Thoman, merci Olivier Plucherie, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Noémie Naguette Saint-Vulf, Francine Lezen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Tom Humdenstock, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Et dans le prochain épisode de La Méthode Scientifique, demain, on va parler à la fois du plus grand succès biomédical de l'humanité et peut-être de sa plus grande peur. On va parler de la variole, comment elle a été éradiquée et comment il ne faudrait surtout pas qu'elle réapparaisse. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.